crash, le vrai rap qu'ils ont dénaturé. Autant dire, mon côté trash se verra, passe la prod, disons déclaturé. Authentique, j'ai besoin d'un beat dès qu'il y a l'audace qui naît. Donc quand je kick, besoin d'un beat et bien au bas stylé. Je rappe avec la hargne tout ce que les petits n'auront plus. Loin de planer sur leurs phrases et tout ce que les types auront plus. Je suis pas ce type, du genre à l'aise dans ses vêtements mais tout frêle. Je fais pas style, je sais qu'elle est dans ses vêtements mais tout frais. Je sais pas ce qui nous pousse à dire que leur rap est inadapté. Le flow, la rime, je crois pas que leur appétit l'a capté. Plus classant, quand j'y fais face, mes crises dévoilent des tristes textes. Plus patient face à mes prises de rock, mes prises de tête. J'ai besoin de que dalle à part mes gosses, ma femme et le mic. Autour de moi j'entends que ça parle négoce, sa femme et de maille. J'gratte qui t'a rappelé que dans ta tente les ronds trop d'âles m'en parlent. J'pratique un rap que les moins de 20 ans n'aimeront probablement pas. J'laisserai planer des doutes si mon rap bat de l'aile. J'blesserai pas mes dégoûtes si moral bat de l'aile. On me tend la perche, pourtant supplie, j'm'en dépatouille. J'ai tant à perdre, vous en supplie, m'enlevez pas tout. J'laisserai planer des doutes si mon rap bat de l'aile. J'blesserai pas mes dégoûtes si moral bat de l'aile. On me tend la perche, pourtant supplie, j'm'en dépatouille. J'ai tant à perdre, vous en supplie, m'enlevez pas tout. Cela vira un tétin qui est pied au temps la mèche. J'ai plus confiance à la démocratie. Ouvre un peu tes yeux. Comme des moulins, on tourne dans le vent. Ce qu'ils se foutent de nous, c'est dur à croire et ça inspire des goûts. Les mots sont poignants, on parle mal, nos rêves romantiques. Le style est crapuleux, un rap passe sous une capuche. J'ai l'impression que ça va partir en pas tant. Pas tant à perdre quand c'est la pomme sous manette. Je représente, nous représentons les rescapés, Fais de nous les soldats. Non, ce n'est pas la peine d'essayer les gestes. Pas tant à perdre quand c'est la pomme sous manette. Je représente, nous représentons les rescapés, Fais de nous les soldats. J'avance avec des gens robustes et fiables. Robustes et fiables.